Please. C'est moi qui parle. Non. Sauf s'il chante super bien. Loud. Should learn French. Ou pas du tout. Thank you.